Jusqu'à quand et jusqu'où des individus peuvent garder les traces d'une ascendance juive? Peut-on dire des Indiens ou des métis de la vallée de Felendine, véritable Éden isolé au milieu des montagnes du Pérou, qu'ils ont gardé une mémoire marane à l'instar de certains Brésiliens? Voilà la passionnante enquête anthropologique à laquelle s'est livré Nathan Wachtel dans son dernier ouvrage, Sous le ciel de l'Éden, Juifs, Portugais, Métis et Indiens, une mémoire juive au Pérou, point d'interrogation, qui a paru le mois dernier aux éditions Chandaigne. Nathan Wachtel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, anthropologue, spécialiste de l'Amérique du Sud, puis du maranisme, et vous avez enseigné au Collège de France de 1992 à 2005. Alors ma première question, c'est comment votre attention a été attirée sur ce contexte indien en rapport avec le judaïsme au Pérou? Mes premiers travaux Oui. ont porté sur les Indiens d'Amérique du Sud. Et dans la vision des vaincus, j'ai essayé de renverser le point de vue traditionnel et de, c'est-à-dire le point de vue européiste, européocentriste, Oui. pour voir le point de vue des Indiens. Bon. Et quand j'ai terminé la première trilogie que j'ai consacrée aux études andines, je suis donc passé à des études maranes. Et donc je suis allé à la recherche de marans contemporains. Et alors, je savais, à la suite du livre de Samuel Schwartz, que les éditions Chandaigne ont également republié en français que le monde lusitanien était favorable à la conservation d'un maranisme consolidé. Et des collègues me disaient que au Brésil, il y avait justement un mouvement qui était, sinon très visible et spectaculaire, mais quand même d'une importance significative, un mouvement de retour au judaïsme de personnes qui se disaient descendants des nouveaux chrétiens, Ça, des c'était au Brésil. Oui. crypto-juifs. Donc ça, c'était au Donc, à Brésil. Oui. partir des années, de la fin des années Oui. 1990 et à partir du début du XXIe siècle, donc, je suis allé sur le terrain au Brésil, en commençant par les villes, Recife et autres grandes villes, mais surtout les villes de l'intérieur. Oui, un détail, je viens de dire Recife, ne pas oublier l'occupation hollandaise du Brésil, qui n'a pas été de longue durée, 25 ans, Oui. mais sous l'occupation hollandaise de 1635 à 1654, a existé la première communauté juive des Amériques, la première synagogue ouverte, officielle, Oui. sous la tolérance hollandaise. Bien. Et cet épisode a permis a été un facteur supplémentaire pour la consolidation de ce maranisme, disons, brésilien. Ensuite, Vous êtes alors je remonté. passe sur une autre trilogie, celle des études maranes au Mexique, au Brésil, et où les Indiens n'apparaissent pas encore vraiment. Et j'avais entendu parler aussi, mais depuis longtemps, mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études. J'avais entendu parler depuis longtemps que dans la petite ville de Selendín, nous y venons, au Pérou, une petite ville d'environ 20 000 habitants, qui se trouve au nord du Pérou, à une centaine de kilomètres, 150 kilomètres, de la plus grande ville de Cajamarca, qui est bien connue. Et cette petite ville de Selendín a donc la réputation d'avoir une population d'origine juive. Bien. À ma connaissance, personne n'est allé voir sur les terrains de quoi il retournait. Et vous y êtes allé. Donc, j'y suis allé et alors que faire? Je ne vais pas, en arrivant à Selendín, aller aborder la première personne venue sur la grande place et demander « Est-ce que vous êtes d'origine juive ?» Bon, c'est à la façon de Likakou, l'on non. a recours aux très précieux érudits locaux. D'accord. Alors, l'histoire que vous racontez, elle est merveilleuse, cette conversion des rabbanim qui viennent d'Israël pour convertir ces gens qui étaient allés étudier l'hébreu, etc. Mais de toute façon, alors il y a la conversion de ce groupe, il y a des gens qui sont tout à fait catholiques, enfin catholiques à la façon d'Amérique sud-américaine, et qui disent qu'ils savent qu'ils ont des ancêtres juifs, mais de toute façon, pour tous ces gens-là, il y a des coutumes qui sont pratiquées dans les familles, ils ont des souvenirs de leurs grands-parents qui nous laissent vraiment pantoises. Les coutumes dont vous parlez, ces gens-là vous ont parlé juifs ou pas de ce que faisaient leurs grands-parents, et il y a véritablement un comportement marane dans ces coutumes-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces coutumes? Alors, le paradoxe, justement, oui. c'est que dans cette situation très complexe, avec des descendants de fugitifs de l'Inquisition qui revendiquent leur identité juive, mais en même temps leur foi chrétienne, d'un autre côté, ceux qui se sont convertis officiellement au judaïsme orthodoxe, et qui, pour la plupart, ont fait l'alia, et qui se trouvent actuellement en Israël. Bon. Oui. Malgré cette complexité, cette différence, il y a à la fois, donc, influence de l'adventisme et une certaine continuité de crypto-judaïsme. Malgré ce tableau complexe, on trouve, je réponds maintenant à votre dernière question, des traces de coutumes qui font penser à une continuité de ce que j'appelle une mémoire marane. Alors quelles sont ces coutumes ? Exemple, alors là, je vais me permettre de lire un passage d'un entretien. Voilà. Il est là. Alors, c'est le neveu de l'érudit local dont j'ai parlé tout à l'heure et qui revendique et à juste titre la ferveur de sa foi catholique. Bon. Alors, son neveu est le directeur des archives de la municipalité et c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour retrouver le document de création de la ville de Selendine où le premier acte est signé de son ancêtre également, Raimundo Pereira, qui était le premier maire, le premier alcalde, etc. Bien. Alors, question. Je pose la question. Avez-vous entendu parler de coutumes particulières parmi les anciennes familles de Selendine? Réponse. Oui. Par exemple, le samedi, dans certaines familles, comme la mienne, on faisait le nettoyage complet de la maison, des lits, du linge, les groupes de femmes apparentées allaient laver le linge au Rio Grande, on lavait tous les samedis. C'est une coutume juive. Question. Y avait-il aussi quelque chose le vendredi? Réponse. Oui, bien sûr. Il y avait le candélabre, comme une menorah. Ma famille avait le candélabre, et mon grand-père l'allumait les vendredis et les lundis. Question. Pourquoi les lundis? Réponse. Par exemple, pour un saint, le samedi, on nettoyait la maison et le dimanche, on allait à l'église. Mon grand-père était un homme très catholique. Il participait régulièrement aux processions. Il était actif dans les organisations catholiques. Mon grand-père, par exemple, quand il sortait de la maison, il touchait le côté droit de la porte, puis il se signait. C'est un geste que j'ai toujours remarqué chez lui. Alors, je fais remarquer en commentaire que alors cette réponse est merveilleuse parce que elle est spontanée. Je n'ai pas besoin de poser une question. Elle vient spontanément pour prouver que son grand-père était vraiment catholique. Il touchait le chambranle droit. Oui. Et puis ensuite, il se signait. Pour aller à l'extérieur. Et quand il rentrait à l'intérieur, il touchait, mais il ne se signait pas. Là, il y a des variantes. Là, il y a des variantes, d'accord. Et ce n'est pas le plus important. Mm-hmm. Mais pour continuer à commenter cet entretien, alors, on allumait la bougie le vendredi soir, c'est une réponse à une question que je n'ai pas pu éviter de poser. Bien sûr, mais oui. La réponse à propos du geste de toucher la porte est spontanée. Vous avez noté au passage la confusion. On nettoyait la maison le samedi, c'est une coutume juive. Bon, on mélange. Ça n'est évidemment pas une coutume. Mais il y a quelques coutumes chez les juifs séfarades qui consistent à changer les draps le samedi. Donc il y a quelque chose quand même, malgré tout. Quelque chose est resté. Il y a quelque chose qui est resté. Bon. Mais alors, ce qui est remarquable, donc, c'est le geste de toucher la porte. Et je l'interprète comme, évidemment, une trace de mémoire de la mezouza. D'ailleurs, suivant d'autres variantes, sur la porte, il y a parfois, dans le cas justement de ces familles, l'image d'un saint ou même de l'eau bénite. Bien. Et j'interprète le geste qui a été décrit comme une christianisation du geste de vénérer la mezouza. Et ce syncrétisme est vraiment un syncrétisme entre judaïsme et christianisme, et ne peut pas être autre chose, selon mon interprétation, que une trace estompée, modifiée, mais qu'on reconnaît quand même, une trace de mémoire marane. Et d'autres personnes, juives ou pas, enfin converties ou pas, vous en parlez des veillées mortuaires par terre. Bien sûr. Où on mettait le mort par terre, des petits... Le même informateur et d'autres. Oui, alors et d'autres. Ça, c'est en effet une trace qui est... indéniablement continuité de coutumes juives, donc bien de coutumes funéraires. Et de corps enterrés dans des linceuls. Dans des linceuls. De petits cailloux posés sur les tombes. Ça, c'est, discutable. Un peu plus discutable. Et puis, bien sûr, dans la nomenclature, les noms. Par exemple, le diminutif Moshe n'existe que dans cette zone géographique, pour dire Moïse. Oui, mais je ne dirais pas que c'est une preuve irréfutable. D'accord. Cela fait partie des indices qui s'accumulent et qui, à la longue, donnent un ensemble vraisemblable. Et puis, les noms de famille, Pereira, Pérez, Rabanal. Les patronymes sont un autre indice, voilà. Parce que des vieux chrétiens s'appellent également Silva, Pereira. Rabanal aussi, Rabbi, Rabanal. Rabanal peut-être pas. En tout cas, vous avez fait dans l'originalité de votre livre, c'est qu'il est sous le signe de rencontres. Vous avez rencontré des gens qui sont d'ailleurs pris en photo, qui sont des gens extraordinaires. Et je pense notamment à une personne qui pour moi est extraordinaire, c'est ce Hector León Chingier. Un physique, alors il dit j'ai un physique de cholo, j'ai un physique d'indigène, mais mes oncles, mais je sais que je suis juive parce que regardez j'ai les yeux bleus ou mes oncles ont les yeux bleus. Et ce monsieur, il a 15 petits-enfants en Israël avec son physique de métis et d'indigène et il est chazan de la petite synagogue locale de Cajamarca. C'est des rencontres extraordinaires, vous avez parlé avec lui. Alors, vous avez vu la description que je fais de ce personnage, alors c'est lui le patron d'un restaurant où il avait commencé à travailler comme employé à partir de l'âge de 15 ans. Bon. Et c'est donc l'un de ceux qui se sont convertis en 1989 et qui n'a pas émigré en Israël. Bon. Mais ses trois filles ont émigré en Israël, se sont mariées là-bas et c'est pourquoi il fait chaque année le voyage pour rendre à Pessah, pour rendre visite à sa famille israélienne. Bon. Et ce personnage, donc, reconnaît lui-même qu'il est, non pas indien, mais métis, et il emploie lui-même le mot péjoratif pour indiquer le métis, le terme cholo, dans le contexte péruvien, est un terme péjoratif pour désigner... l'Indien qui veut se faire passer justement pour métis et qui s'habille à l'européenne, ou le métis, mais encore pas. Et donc, regarde, dit-il, je répète donc la fin de, de son récit, moi-même, je suis métis, je suis cholo, regardez ma tête, j'ai une tête de cholo. Oui, c'est ça, c'est fini. Mais, regardez mes yeux, et il a vraiment les yeux bleu-vert. En espagnol, bleu-vert se dit sarco. Et le terme, le titre, l'enseigne de son restaurant, il y a la photo, c'est El Sarco. C'est le titre de son restaurant. On va dîner, on va prendre un repas au Sarco. C'est l'emblème de son restaurant. Et ceci me semble très ibérique, de la même façon que Manuel Silva Rabanal, fervent catholique, est un Pereira avec Y. De même, Hector León est un cholo, mais avec les yeux sarco. Voilà, et il dit lui-même que ma foi juive vient de la part juive de mon sang. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'en fait, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'il y a... Enfin, la différence entre histoire et mémoire, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, un petit peu comme dans l'homéopathie, la mémoire de l'eau. Là, il y a une mémoire de ce judaïsme. En tout cas, merci beaucoup. À lire absolument, Sous le ciel de l'Éden, un livre à la fois érudit et émouvant qui donne la parole à des personnes exceptionnelles, juives, catholiques, métissées, et dont l'écriture est digne d'un roman de Garcia Marquez.